La délégation gouvernementale de la République du Congo, conduite par Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé publique et de la Population, a visité le 25 le Palais du Soleil de Kumsusan pour rendre hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.